Chapitre 16e. Hérol avait annoncé que son travail ne devait durer que peu de temps, cependant il se prolongea. Il est vrai qu'il ne le fit pas dans les conditions prévues, car le peintre, qui se croyait à peu près maître de son temps, se trouva au contraire très pressé, et il ne put venir que le dimanche à Nogent. « Cela nous donnera le plaisir de nous rencontrer avec vous, » dit Adolphe lorsqu'il reçut cette nouvelle. « Et j'espère que vous nous ferez l'amitié d'accepter notre déjeuner. » Le peintre se défendit, mais sur les instances d'Adolphe, il finit par accepter. Il arrivait donc le dimanche à Nogent. On déjeunait longuement, et c'était seulement entre 1 et 2 qu'il entrait dans l'atelier. Mais presque jamais on ne le laissait seul. Adolphe l'accompagnait. Le notaire, qui avait pris le peintre en grande affection, survenait et tout travail devenait impossible. Il y avait toujours des raisons excellentes pour flâner. Une causerie intéressante, une plaisanterie du notaire, un jeu nouveau à essayer, des poules, des poissons à voir. À 5 heures, Hérol se mettait en route pour Chennevières, afin d'aller dîner avec sa mère, et presque toujours on l'accompagnait. Tantôt on le conduisait en voiture, tantôt on le descendait en bateau à Champigny. Et pendant ce temps, le tableau n'avançait pas. Pendant les premiers dimanches, Juliette avait voulu ne pas prendre part à toutes ces promenades, et elle avait même évité d'entrer dans l'atelier. Mais son mari s'était fâché. « Si tu ne voulais pas qu'Hérol travaillât dans ton atelier, dit-il, il fallait m'en prévenir quand il a été question d'envoyer le semeur à Paris. Si ridicule qu'eût été ton exigence, j'aurais cédé, car enfin cet atelier t'appartient, on te l'a donné, il est à toi. Je ne ferme la porte à personne, je me la ferme à moi-même. C'est ce dont je me plains. Maintenant qu'Hérol est installé, il est fort inconvenant de lui dire « Allez-vous-en ». Je ne dis pas cela. « Sans doute, tu ne le dis pas des lèvres et tout haut, mais tu le dis par ton attitude et ta manière d'être avec Hérol. Pourquoi ne veux-tu jamais venir dans l'atelier après le déjeuner? Vous êtes entre hommes, je vous laisse. J'agis comme si vous vous enfermiez dans le fumoir. Toute femme pourrait se conduire ainsi, toi seul tu ne le peux pas. Hérol est un artiste, tu es artiste, tu es tenu envers lui à des égards dont une autre pourrait se dispenser. Il n'est pas convenable que tu paraisses dire « Faites ce que vous voudrez, cela ne m'intéresse pas. Hérol est trop gracieux avec nous pour que tu le traites avec ce sans-façon. Enfin, quand ce ne serait que par respect pour son talent, tu devrais encore te montrer moins dédaigneuse. » J'évitais d'intervenir à chaque instant entre M. Hérol et toi. Tu veux qu'il en soit autrement, c'est bien, j'irai dans l'atelier quand il viendra travailler. Ce n'est pas de la résignation que je te demande, c'est de la raison. Ce n'est pas seulement de l'atelier qu'il s'agit, c'est de tout. Ainsi, quand je reconduis Hérol en voiture ou bien en bateau, pourquoi ne veux-tu jamais venir avec nous? Je n'ai qu'une journée par semaine à passer avec Félix. Si je dois rester 3 heures dans l'atelier et 2 heures en bateau, quand aurai-je mon enfant? Voilà le grand mot lâché. Ton enfant, maintenant. Eh bien, et ton mari n'a-t-il pas des droits à t'avoir, lui aussi? Il me semble que tu ne les as que trop fait valoir, ces droits. Tu dis cela parce que Félix reste près de ma mère. Ton accusation est injuste. Ai-je mon fils? Fallait-il exposer ma mère à mourir d'ennui ici? Et l'enfant n'est-il pas mieux près d'elle qu'il ne le serait près de nous à Paris? Elle garda un instant le silence, puis, tout à coup, venant s'asseoir près de son mari et lui prenant la main. « Je t'en prie, » dit-elle, « évitons ces sujets de désaccord et rapprochons-nous au contraire. Tu sais si j'ai de l'affection pour toi. Tu sais combien je t'estime. Ne soulève donc pas des questions qui ne peuvent pas aboutir. Tu as voulu que notre enfant fût élevé par ta mère, j'ai cédé. Tu as voulu me garder à Paris près de toi, j'ai cédé. Tout ce que tu voudras, tout ce que tu me demanderas, je le céderai encore, aujourd'hui, demain, toujours. Mais toi, de ton côté, cède-moi quelque chose. Je croyais que je ne te laissais rien à désirer. Pour tout ce qui est plaisir, toilette, luxe, cela est vrai. Et je te suis reconnaissante de ce que tu fais pour moi dans ce sens. Malheureusement, je ne suis pas la femme que ces satisfactions peuvent contenter. Dis que tu es ma femme et que tu désires ce que tu n'as pas. Tu as une voiture et tu crois que marcher avec des sabots est très amusant. Tu as de la brioche, tu voudrais du pain noir. Vous êtes bien toutes pareilles. Oui, je dirais cela si tu veux et je me confesserai de ces torts qui, jusqu'à un certain point, sont fondées. Ce pain noir dont tu parles, je le voudrais. Eh bien, on t'en commandera, avec des cailloux dedans, si tu veux, et de la paille, et du foin. À mon tour, je te dis que je parle sérieusement, très sérieusement, je te le jure, et je n'ai nulle envie de plaisanter. Voyons, que veux-tu? Que te manque-t-il? Je veux, je te l'ai dit, que nous nous rapprochions l'un de l'autre. Ne sommes-nous pas unis? Je veux que nous le soyons plus étroitement encore. Voyons, ma chère enfant, il ne faut pas te tourmenter pour ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos de Francis Erol. C'était un désir que je manifestais, ce n'était point des reproches que je t'adressais. Je ne suis nullement fâché contre toi. Eh bien, alors accorde-moi ce que je te demande. Mais que me demandes-tu? Autrefois, nous avions fait de beaux projets. Nous devions voyager tous les ans, visiter toute l'Europe, puis après l'Europe, l'Algérie, l'Égypte. La maladie de ma mère a dérangé ces projets. Les affaires m'ont retenu et absorbé. Pardonne-moi de t'avoir manqué de parole. Il y a quelque temps, quand mon chalet des Avants a été haché, tu as voulu que je le recommence, et tu m'as proposé de retourner en Suisse pour le peindre. Les affaires alors ne te retenaient pas. Eh bien, retournons aux Avants, je referai ce tableau. Nous emmènerons Félix avec nous, et là, tous les trois, nous vivrons dans cette étroite union que je demande. Et maman, que deviendrait-elle pendant notre absence? Elle eut un mouvement de désespérance et laissa tomber ses bras, mais bien vite, elle se redressa. Ta mère est bien restée seule pendant notre premier voyage. Alors, ses affaires l'occupaient. Elle n'était point habituée à voir sans cesse Félix à ses côtés. Elle serait trop malheureuse s'il n'était plus là pour l'égayer. « Et moi ?» s'écria-t-elle. « Allons, tu es nerveuse aujourd'hui. Est-ce que tu as eu quelques difficultés avec maman ?»« Mais il ne s'agit pas de ta mère. Il s'agit de toi, de Félix, de moi, de nous trois, de notre bonheur, de notre vie. Allons, calme-toi. Tu me fais peur avec cette exaltation. Peux-tu te donner ainsi la fièvre pour une pareille chose ? Pourquoi n'as-tu cette passion que pour des chimères ? Des chimères ? Sans doute. » Il suffit que tu désires une chose pour qu'elle ne soit pas une chimère. Aussi, je te promets de faire le possible pour te contenter. Nous partons. Nous tâcherons de partir. Je chercherai un moyen d'arranger les choses. Mais nous avons encore toute la saison devant nous. Pourquoi pas tout de suite? N'insiste pas, je te prie. Partir en ce moment m'est absolument impossible. Je ne peux pas sacrifier les intérêts de notre maison à une fantaisie. Mais compte sur moi. Tu sais combien je suis heureux quand je te vois heureuse. Toi, de ton côté, n'est-ce pas, fais ce que je te demande, et donne-moi le plaisir de te voir gracieuse et souriante avec tout le monde. C'est non seulement pour les autres que je te demande cela, mais c'est encore pour moi. Avec ta mélancolie que tu portes partout, tu as l'air d'une femme malheureuse ou incomprise. Cela me peine et m'humilie. Tu n'es pas malheureuse, n'est-ce pas? Tu n'es pas incomprise. Il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. Restée seule, elle se cacha la tête entre ses mains, et pendant longtemps, elle garda cette attitude. C'était la femme abandonnée de tous, écrasée après une lutte contre l'impossible. Enfin, elle se releva, et machinalement, sans savoir ce qu'elle faisait, elle alla s'accouder sur le balcon de sa chambre. À ses pieds s'étalait le jardin qui descendait jusqu'à la Marne. Au-delà de la rivière, la campagne remontait pour former les coteaux de Champigny et de Chennevières, dont les arbres semblaient se perdre dans le ciel pâle. Chennevières. Elle resta les yeux longtemps fixés sur la masse blanche que formaient ces maisons groupées autour de l'église, dont le petit clocher brillait au soleil. « Personne, » dit-elle, « aucun secours, rien. » Et elle demeura perdue dans une sombre méditation. Tout à coup, elle tressaillit. Une voix joyeuse, des cris d'enfants venaient de retentir dans les allées du jardin. « Lui, par lui !» s'écria-t-elle, et rapidement, elle descendit dans le jardin, puis, courant après son fils, elle le prit dans ses bras et l'embrassa passionnément, follement. Madame d'Alifar et Adolphe se promenaient dans l'allée où jouait l'enfant. En voyant cette explosion de maternité, Madame d'Alifar haussa les épaules et s'approcha vivement de sa belle-fille. « Prenez donc garde, » dit-elle, « vous allez l'étouffer. » Adolphe, lui aussi, s'était approché. « Juliette, » dit-il à mi-voix à sa mère, est un peu nerveuse. Laisse-la, maman. » Mais, sans l'écouter, Madame d'Alifar avait pris l'enfant et l'avait mis sur ses jambes en secouant sa veste fripée. À ce moment, Erol parut au bout de l'allée. Juliette resta un moment immobile, puis marchant au-devant du peintre et lui tendant la main. « Soyez le bienvenu, » dit-elle. Pendant que le peintre saluait Madame d'Alifard, Adolphe s'approcha de sa femme. « C'est bien, » dit-il à voix basse. « Tu m'as fait plaisir. Tu es une brave petite femme. »